Bosco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 25 octobre 2018. Voici les grands titres de cette grande édition. Le facilitateur dans le dialogue interburundais annonce que la session en cours à Arusha est la dernière qu'il dirige, puisque malgré toutes les sollicitations, le gouvernement n'a pas envoyé ses représentants. Benjamin Mkapa l'a déclaré ce matin à l'ouverture des travaux. Élu Prona, qui n'a pas non plus fait le déplacement, dit que ça aurait été une perte de temps, du moment que c'est le gouvernement qui met en application les conclusions de ces pourparlers. Et les consommateurs de carburant craignent une nouvelle revue à la hausse du prix à la pompe, puisqu'une pénurie s'observe depuis ce matin à Gitega, où le litre d'essence s'achète entre 4 000 et 6 000 francs burundais et le mazout à 3 000 ou 4 000 francs burundais le litre. Là, c'est au marché noir. Et le président du syndicat Conapes estime que les enseignants ayant terminé leurs études devraient avoir la priorité pour la réintégration si leur demande de mise en disponibilité a été régulière. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le facilitateur dans le dialogue interburundais annonce que la cinquième session en cours à Arusha est la dernière en raison de l'absence du gouvernement. À l'ouverture des travaux qui réunissent finalement et principalement les protagonistes de l'opposition intérieure et extérieure, Benjamin Mkapa a rassuré qu'il a tout fait pour convaincre Bujumbura de répondre à son invitation, mais en vain. Suivez sa déclaration ce matin. Il est traduit par Elie Nibel Nibigira. Cette session est très importante car elle est la dernière. Quand j'ai présenté le rapport du quatrième round des pourparlers interburundais, le sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est m'a ordonné de tenir une cinquième et dernière session. C'était à Kampala le 23 février de l'année courante, car moi, je voyais que j'avais conclu mon travail et que ma force a des limites. Ils m'ont dit non. Il faut que tu organises la cinquième session. Après, j'ai envoyé une délégation pour rencontrer le gouvernement burundais et d'autres parties prenantes au dialogue interburundais, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, pour élaborer une feuille de route des élections de 2020 afin qu'elle soit transparente, libre et crédible. Me référant sur ces conclusions, j'ai envoyé des invitations pour la cinquième session de dialogue du 19 au 24 octobre, mais le gouvernement burundais a demandé le report du 24 au 29 et j'ai accepté la demande. Mais par après, il a demandé que la session soit reportée pour le mois de novembre et que la liste des invités soit publiée, ainsi que la feuille de route, qu'elle soit parmi les sujets à l'ordre du jour de 2020. Je ne pouvais pas accepter. J'ai décidé la tenue de cette session. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu une note formelle si le gouvernement se présentera ou pas. Je vais élaborer une feuille de route compte tenu de celle de Kayanza et la vôtre. Les conclusions seront soumises aux médiateurs et aux chefs d'État est-africains. Je voudrais mettre l'accent sur ceci. J'ai tout fait pour que le gouvernement puisse se présenter, mais sans succès. Mais j'espère que vos conclusions vont contribuer pour que les élections 2020 soient libres, transparentes et crédibles pour l'intérêt de tout le peuple burundais et de la communauté est-africaine. Voilà, c'était Benjamin Mkapa, le facilitateur dans le dialogue interburundais, traduit par Elie Nibel Nibigira. Et le gouvernement reconnaît avoir reçu tardivement la réponse de la facilitation à sa demande de report de la session et dit avoir trouvé que Mkapa n'a pas répondu à ses doléances. Le porte-parole et secrétaire général du gouvernement précise que ce qui sortira de ce cinquième round n'engage que ses participants. On l'écoute. lettre est bel et bien arrivée. Elle a été écrite le 23 octobre 2018. Elle a été réceptionnée au ministère des Affaires des Relations étrangères le 24. Moi, en tant que secrétaire général du gouvernement, je viens d'en avoir copie aujourd'hui, cet avant-midi. Alors, en lisant cette lettre, je viens de constater que les questions posées par le gouvernement du Burundi n'ont pas été répondues. Et pour preuve, la première question que le Burundi avait posée, le Burundi avait proposé de reporter les dates du round pour des raisons suivantes. Le mois d'octobre est considéré comme un mois de deuil. Le Burundi a perdu le héros de l'indépendance nationale, le prince Louis Gwagasore. Le Burundi a perdu le héros de la démocratie, son Excellence président Melchior Ndadaye. Alors, la première proposition, le Burundi avait demandé à ce que les dates du round soient reportées. Ça n'a pas été fait. Deux, le Burundi avait proposé qu'il y ait un ordre du jour clair et net. Avec une proposition, le Burundi avait proposé que sur l'ordre du jour soient inscrites les modalités pratiques de mise en application de la feuille de route convenue par les partis politiques et les politiciens à Kayanza. On n'a pas eu d'écho. Troisième proposition, c'était de préciser la liste des invités. Ça n'a pas été précisé. En résumé, les trois propositions que le gouvernement du Burundi avait proposées, excusez la tautologie, à la facilitation, n'ont pas encore eu de réponse jusqu'aujourd'hui, du moins d'une façon formelle. La lettre que nous venons de réceptionner, c'est la lettre du ministère des Affaires étrangères de la République unie de Tanzanie, qui lui aussi rapporte ce que le facilitateur lui aurait dit. Je mets ça au conditionnel puisque je n'ai pas de preuves. Mais la lettre le stipule ainsi, qu'il serait difficile pour la facilitation de reporter les dates du round, puisqu'ils ont déjà fait les réservations d'hôtels et qu'ils ont déjà envoyé des invitations. Alors, si la facilitation, en mettant en balance la demande du gouvernement et l'état d'avancement des préparatifs, trouve qu'il est pertinent d'organiser ce round malgré la non-disponibilité du gouvernement du Burundi pour ces dates, il ne m'appartient pas d'apprécier à la place de la facilitation. À vous-même d'apprécier, je vous remercie. Mais la facilitation, bien sûr, dit qu'elle va continuer ce cinquième round malgré votre absence en Tanzanie. Oui, c'est ce que je vous dis. Il appartient à la facilitation d'apprécier s'il faut continuer avec ou sans la présence du gouvernement du Burundi. Est-ce que les résultats vont vous engager? Comment nous engager alors que le gouvernement n'est pas là? Prosper Nhaurwamiye au téléphone avec Linibel Nibigira. Et le parti Uprona est l'un de ceux qui ne se sont pas présentés au cinquième round de dialogue à Arusha, en Tanzanie. L'explication du président de ce parti, Abel Gachatsi, est claire. C'est que ce serait un monologue, du moment que les représentants du gouvernement et du parti au pouvoir ne sont pas là. Il dit que les décisions qui seraient issues de ce dialogue doivent être mises en application par le gouvernement. Suivez-les au micro de Léonce Vitalio. L'Uprona a entendu que le gouvernement du Burundi n'est pas à Arusha et le parti au pouvoir n'est pas à Arusha. Alors que les décisions qui seront issues à ce dialogue seront mises en application par le gouvernement. C'est pourquoi l'Uprona attend que le gouvernement du Burundi s'entende avec la facilitation pour pouvoir fixer en commun accord une date pouvant permettre la participation de tout le monde. Sinon, aller à Arusha, dialoguer avec qui quand l'État burundi est absent, alors que l'État est le principal acteur dans son dialogue. Donc c'est pour dire qu'à Arusha, vous n'y allez pas aussi longtemps que le parti au pouvoir et le gouvernement ne sont pas là. L'Uprona, je l'ai déjà dit, c'est un parti de dialogue. Je pense que aller à Arusha pour faire une promenade, c'est pas bonne chose. Mais l'Uprona est toujours là. Il est prêt à participer à toutes les réunions organisées dans le sens de dialoguer, dans le sens de rechercher la paix, dans le sens d'organiser les élections, surtout les élections de 2020. Il y a également le gouvernement qui a demandé, avec ce mois d'octobre, un mois de deuil pour les Burundi, à compte tenu des illustres de personnalités, en l'occurrence le prince Louis Gwagasore de l'Uprona et le président Ndadaye. Et on a entendu que le gouvernement a demandé à la facilitation de reporter la date qui devrait permettre la participation de tout le monde à l'Uprona. On attend cette nouvelle date pour que l'Uprona participe à ce dialogue. Abel Gachatsi, c'est le président du parti Uprona. Et certains des habitants de la mairie de Bujumbura disent qu'ils n'attendent pas grand-chose de ce cinquième round de dialogue qui se tient à Arusha. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro disent que le facilitateur aurait dû attendre la présence de toutes les parties prenantes pour que cette session de dialogue puisse aboutir à des résultats consensuels. Suivez ce micro-baladeur. Bon, à mon avis, en ce qui concerne le dialogue entre l'État du Burundi et les partis politiques en opposition, je peux dire qu'il vaut mieux que le médiateur attende que tous les deux côtés puissent s'asseoir ensemble afin qu'ils puissent trouver une solution permanente et la paix fiable. Parce que une fois le médiateur reste avec un seul côté, ça sera toujours difficile de trouver la résolution en ce qui concerne la réconciliation, puisqu'on ne peut pas être médiateur quand il y a un seul côté. Comme l'État du Burundi l'a voulu, vaut mieux reporter la date du dialogue afin que l'État, comme l'a déjà dit en mois de novembre, puisse participer afin qu'il puisse donner leurs idées. Pour moi, ce dialogue n'aboutira à rien du fait que quand deux parties sont en conflit, c'est-à-dire le gouvernement et ceux de l'opposition, ils doivent s'asseoir ensemble et trouver une solution aux problèmes qui les opposent. Mais si c'est une seule partie qui est présente, l'autre partie peut ne pas accepter les résultats parce qu'elle n'a pas été consultée et ce problème persiste. Toutes les parties prenantes devraient s'asseoir ensemble pour résoudre le conflit burundais. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de nouveau parce que le Burundi, donc l'État, n'est pas dans la négociation d'Arusha. Donc des parties qui sont en conflit, peut-être lorsque le Burundi n'est pas à Arusha, il n'y a pas de nouveau puisqu'on peut l'associer. Et on ne peut pas réconcilier une seule partie alors qu'il y a l'autre partie qui est absente. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Nouvelle pénurie de carburant à Gitega au marché noir. Un litre d'essence se vend entre 4 000 et 6 000 francs burundais, tandis que celui de mazout se vend entre 3 000 et 4 000 francs burundais. Les consommateurs craignent une nouvelle hausse du prix du carburant. Les détails avec notre correspondant Gérard Nibigira. Depuis ce mardi, il n'y a aucune goutte du carburant de type essence et de type mazout dans six stations-services fonctionnelles situées dans la ville de Gitega et dans une autre station située en commune Bugendana de la province Gitega. C'est après que la semaine dernière, il y avait de courtes ruptures de ce produit. Ainsi, au marché noir, le carburant s'obtient, mais à un prix élevé. Par exemple, un litre d'essence coûte entre 4 000 et 6 000 francs bourg le litre, au moment où son prix officiel est de 2 430 francs bourg. Quant au mazout, son prix varie de 3 000 à 4 000 francs le litre au marché noir. Son prix officiel étant de 2380 francs burundais. Néanmoins, le prix du ticket de transport n'est pas encore augmenté. Les usagers des motocyclettes et véhicules de transport contactés laissent entendre que la raison est qu'ils utilisent encore le carburant contenu dans les réservoirs de leurs véhicules et motocyclettes, mais que aussi les passagers sont moins nombreux ce jour-ci. Quant aux pompistes, ils précisent qu'ils ignorent les causes de cette pénurie du carburant, du moment qu'ils attendent que leur patron envoie des camions-citernes pour décharger le carburant à servir à leurs clients. De leur côté, les propriétaires des véhicules et motocyclettes et d'autres engins consommant du carburant craignent pour une nouvelle hausse du prix du carburant, tout en soulignant que l'expérience leur a montré que la hausse du prix du carburant est souvent précédée par sa pénurie. Ils demandent plutôt que le carburant soit rendu disponible en suffisance et à son prix actuel. Depuis Gitega, Gérard Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. On reste à Gitega où un enseignant de l'école fondamentale de Wihanga, c'est dans la commune Gitega, est dans les mains de la police depuis ce matin pour des enquêtes sur le décès de son élève qu'il avait puni sérieusement vendredi. Amené à l'hôpital Bethany, l'enfant a fini par succomber hier. Le directeur de l'école fondamentale de Wihanga se réserve d'affirmer si l'enfant serait mort des coups subis et dit qu'il faut attendre les conclusions des enquêtes. Aucun enseignant mis en disponibilité pour continuer ses études ne devrait pas avoir de difficultés de réintégration. Emmanuel Machandari, président du syndicat des enseignants CONAPES, considère que même lors du recrutement de nouveaux enseignants, priorité devrait être accordée à cette catégorie et surtout que le manque d'enseignants ne cesse de se manifester. Cette réaction intervient après